Qu'un autographe soit rodé, vocalité, m'passe un Grammy Award pour que j'ai des rapides comme Richie Award. Car je vais être une star comme le soleil vu de loin, dans le rap être loin comme l'Amérique vu de loin. Bienvenue là on squat, pose ta veste sur le KX, assis-toi sur la roue de l'AX. Tu veux un peu de Vix, on s'asphyxie à l'essence pendant que Slimane mix. Le CBR cross pour Chidens, y'a plus de BMX. Lâche-moi une instru, on rappe dessus, mais ça fait des déçus au-dessus de nous, donc fais pas le têtu. Sors de la cave avant que ton sang serve va marquer Alonso. Oui, ciao, ciao. C'est ce GNOR, ALONZ, dans ce lit dont les empreintes sont sur le mur du ghetto. Ciao, ciao. Yeah, Caporal Baba, prépare ta tombe, désamorce ton flow si tu crois que c'est de la bombe. Ciao, ciao. C'est ce GNOR, ALONZ, dans ce lit dont les empreintes sont sur le mur du ghetto. Ciao, ciao. Yeah, Caporal Baba, prépare ta tombe, désamorce ton flow si tu crois que c'est de la bombe. Mais c'est Ricky! Un, deux, stress, Maria! Qu'est-ce qui se passe à l'usée? C'est qu'est-ce que soprano? Qu'est-ce que vous avez? On dit que je fais mal comme se taper des dodanes sur un vélo sans sel. Comme une plaie pleine sel, mal comme le X Denzel. Sur le cul de mamzelle, Bardot en sortant de Nonzo, voir mamzelle. La Rousseau par les constats avec Chozo, voir seul. Alizé dans la cellule de Dutrou, un mec de l'Elysée à poil sur les cartouches de Dutron déguisé. En Hitler, pas anti-juif mais anti-flic pour voir si le gaz juste la pète quand je lâche mes artifices. Dans la musique, faut que j'ai plus de rythme que cher. Mais laissez-moi déjeuner en paix, car ma vie comme Stéphane est chère. Plus cher que la peau de Jackson, ce black qui fait que pâlir. Plus cher que l'oreille d'Olifield ou la queue d'un mandalire. Plus cher qu'une photo de Sopran à Marcel, ou celle de Doumi qui marcelle, ou celle du pop devant un film de cul qui se marcelle. T'es parti un jour, ça retourne. Si on te dit ciao, ciao, dis-toi qu'on est pas trop loin de nos tours. Putain, c'est de la bombe avant le volume.